garde-t-il le secret? Aujourd'hui secrète en la haine, cette vérité n'est pas humaine. Ils font l'amour meurtrier, la fièvre s'empare de leur corps, étouffe les seuls mots immortels. Qu'ils sont veulent, qu'ils sont cruels, ils ne peuvent prévenir leur mort. Il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise. Pourquoi n'entendent-ils pas? Pourquoi n'insistent-ils pas? Sur la chaîne, on va régler leurs comptes, leur honte exposée au décompte. Ils tuent ceux qui les aiment par leur silence empoisonné. Est-ce leur lâcheté, leur volonté? Quel juge résoudra ce dilemme? Il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise. Dans le doute, se détruisent par ignorance pour une danse, une petite transe, une mort sous la grande voûte. Il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise, il faut que je te dise. Inachevée résonne dans l'horreur. Certains l'ont prononcé, certains en ont eu peur. Cette phrase inachevée, évanouie sous les trente, fait de l'amour une crainte, une dernière plainte.